Section 4 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Chapitre 1, troisième partie, Le christianisme et l'Empire romain, par André Berthelot. Pourquoi le christianisme a été persécuté? Longtemps ignoré dans l'Empire, accidentellement persécuté par Néron après l'incendie de Rome, le christianisme fut légalement poursuivi, en vertu d'une règle politique arrêtée, à partir de Trajan. Cela était dans l'ordre naturel des choses. Toute doctrine nouvelle est tenue de faire la preuve de sa supériorité sur les doctrines qu'elle prétend remplacer. Une société organisée a le droit de se défendre contre toute doctrine qui l'attaque. Or, le christianisme attaquait la société romaine dans ses fondements. « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu », avait prononcé Jésus. Parole révolutionnaire au premier chef, car la société romaine ne connaissait pas cette séparation entre l'État et l'Église. Et depuis lors, jamais César et Dieu n'ont pu s'entendre sur le partage. Les chrétiens sont aux yeux de Pline en révolte contre les lois de l'Empire, parce qu'ils refusent obéissance au proconsul quand celui-ci leur commande de sacrifier, qu'ils n'offrent pas le vin et l'encens à l'image impériale, qu'ils tiennent des assemblées secrètes, ecclésiées. Or, toutes les assemblées secrètes, depuis les origines de l'Empire, sont formellement interdites par les lois. Les chrétiens ne s'arrêtent pas là. Ils font à César la part très petite. L'apologiste Tertullien montre à merveille, sans qu'il s'en doute, les causes des rigueurs contre lesquelles il s'élève. On voit par ses écrits qu'il n'y a plus de place dans la société ancienne pour les chrétiens. Défense d'assister au spectacle. Pompe d'idolâtrie. Œuvre du démon. Défense de rien fabriquer ou vendre qui puisse servir aux idoles. Le sculpteur se fera menuisier. Défense de tenir une école. Il faudrait expliquer la généalogie des faux dieux. Défense de remplir aucune charge. Il y faudrait commettre des actes d'idolâtrie. Défense d'être soldat, car les enseignes sont consacrées par des rites païens. Or, s'il y eut toujours des soldats chrétiens, les magistratures furent désertées de bonne heure, surtout les charges municipales. L'abstention fut une des causes de la dissolution de la curie et de celle de l'Empire. Il y a incompatibilité entre la foi du chrétien et la vie du citoyen. L'Apocalypse, déjà, conseillait l'abstention. Elle fait plus, elle maudit Rome et annonce qu'elle sera brûlée. Ces menaces se retrouvent dans Tertullien qui répète les prédictions de la Sibylle sur le choc des astres et l'embrasement de la terre. Il assure qu'il rira bien quand il verra brûler ses puissants, leurs courtisans, leurs magistrats, persécuteurs, leur Jupiter. Il sera enchanté quand l'acteur tragique poussera de vrais cris, dans sa propre détresse, que le cocher du cirque paraîtra sur un char de feu, rougi des flammes éternelles. Comment Rome aurait-elle été indulgente pour ceux qui lui exprimaient de tels sentiments? Les chrétiens ne respectaient pas davantage l'organisation sociale. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et ces lettres de saint Jacques, où il est parlé des riches qui hurlent dans l'enfer parce que le salaire volé à l'artisan crie contre eux et qu'ils se sont engraissés comme des victimes pour le sacrifice. Quoi d'étonnant si dans un dialogue attribué à Lucien, on traite les chrétiens en démocrates socialistes. Triomphe du christianisme. Une lutte à mort devait avoir lieu entre le christianisme et l'Empire. Au commencement du IVe siècle, le christianisme est devenu le plus fort. L'édit de 313 fait du christianisme une religion tolérée. Il n'en reste pas là. Il devient religion d'État. Constantin préside le concile de Nicée qui condamne les hérétiques. En 324, il exprime le vœu que tous ses sujets se fassent chrétiens. Il disserte contre le paganisme. On commence la démolition des temples. La vieille antipathie va-t-elle céder? Non. Il y a un grand danger à ce que l'empereur soit ainsi dans l'Église, lui qui a été souverain pontife de la religion païenne, qui a été un dieu, lui qui aspire, devenu chrétien, à être l'évêque des choses du dehors, et qui parfois se proclame empereur et docteur, roi et prêtre. Qu'adviendra-t-il s'il est hérétique? Cela se voit dès le temps des fils de Constantin. Constance, resté seul maître de l'Empire, est à rien. Il exile les évêques orthodoxes. Le pape libère, cède. le concile de Rimini signe un formulaire arien que l'empereur veut imposer au monde. Pourtant, Constance est chrétien zélé. En Orient, il détruit les temples en masse. Voilà donc un empereur théologien qui persécute à la fois païens et chrétiens. Mieux valait pour l'Église un païen comme Julien l'Apostat. Théodose fut l'empereur selon le cœur de l'Église, acceptant la pénitence imposée par saint Ambroise, interdisant absolument le culte des dieux, même dans l'intimité la plus secrète de la vie privée. Mais son fils Arcadius, qui règne en Orient, persécute saint Jacques Chrysostome, à l'instigation de l'impératrice Eudoxie, qui est arienne. L'Église, craignant toujours de trouver un ennemi dans son protecteur, ne voyait plus qu'un ennemi dans ce protecteur, depuis qu'elle était établie solidement. Depuis que, les païens n'étant plus à redouter, son zèle se tournait contre les hérétiques. C'est pourquoi elle n'eut jamais d'affection pour l'empereur. De plus, après la conversion des empereurs, une foule de faux fidèles avait, par politique, suivi leur exemple. Constantin n'a-t-il pas dit à Nicée qu'il faut gagner des amis à la vérité, les pauvres par de l'argent, les riches par des honneurs? Cette foule qui passe des autels des dieux aux tables chrétiennes est formée d'adorateurs de la pourpre, comme dit le païen Thémistius dans le discours à Jovien. Au temps de Julien, il y eut beaucoup d'apostats. Le christianisme répugne aux païens philosophes. Il raille cet inconnu mort sur la croix, ces inconnus devenus personnages sacrés. Quand Libérius fait fermer les églises des chrétiens, il dit que le grand air leur fera du bien. Quand Julien les dépouille, il dit que l'excellente loi des chrétiens, promettant aux pauvres le royaume des cieux, il faut leur en aplanir le chemin. Quand il défend aux chrétiens d'enseigner les langues anciennes, il dit que leur affaire est de commenter Matthieu et Luc. Tel est l'orgueil de la sagesse antique. Ces plaisanteries devaient allumer des haines terribles. Il semblait que l'Église fût impuissante, déjà, à triompher de cette résistance des derniers païens, des philosophes, des sénateurs, qui, au temps de Théodose encore, réclamaient la restitution à la curie de l'autel de la victoire, de cette foule romaine qui attribuait les désastres à la négligence où étaient tombés les poulets sacrés. Sans compter que l'Église porte mal sa fortune, que la superstition, l'immoralité, ont passé dans son sein. Elle a cru en richesse, décru en vertu. Divitiis maior, virtutibus minor, s'accordent à dire saint Jean Chrysostome, saint Hilaire, saint Jérôme. Les écrivains comme Salvien, les grands personnages comme saint Augustin et saint Jérôme, se désintéressent des destinées de l'Empire. Il y a dans la cité de Dieu, dans le « De gubernatione Dei », des appels aux barbares. Ainsi, entre la religion nouvelle, dès qu'elle parut, et l'Empire, il y avait une incompatibilité absolue. Elle s'est traduite, d'une part, par le refus d'obéissance et de service, de l'autre, par la persécution. Après la réconciliation, l'antipathie a persisté parce que l'Église est asservie à l'Empire et que la société chrétienne s'y corrompt. Après avoir contribué à la désorganisation de l'Empire quand elle était persécutée, l'Église n'a pas employé sa force à le défendre quand elle était triomphante. C'est en ne le défendant pas, surtout, qu'elle a contribué à sa ruine. Organisation de l'Église chrétienne. L'Église déjà était organisée. La distinction entre laïcs et clercs s'y était faite de bonne heure et de plus en plus marquée. Elle avait sa hiérarchie. De même que les apôtres ont continué l'apostolat de Jésus-Christ, les évêques, institués par les apôtres, les continuent, non plus dans le monde entier, mais dans une circonscription déterminée qui est la cité, Civitas, au chef-lieu de laquelle l'évêque réside. Au-dessus de l'évêque, il y a le métropolitain, dont les attributions sont fixées par le concile de Nicée. Le métropolitain réside au chef-lieu de la province. La conformité des deux provinces ecclésiastiques et civiles est marquée au concile d'Antioche, 341. L'Église adopte les cadres administratifs de l'Empire. Elle les conserve si bien qu'ils subsisteront jusqu'à la Révolution française. L'évêque dans sa cité a son conseil de prêtres ou chapitre. Le métropolitain a son conseil d'évêques ou synode, fréquemment réuni et délibérant sur les choses de foi et de discipline. Au-dessus, les patriarcats église directement fondée par les apôtres, considérées comme les meilleures gardiennes de la religion. Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Rome. Rome seule pour l'Occident, ce qui est très important. La primauté de l'église de Rome s'annonce déjà, l'évêque de Rome étant le successeur de Saint-Pierre. Il n'a point de prééminence marquée sur les patriarches, mais il n'a pas de rival dans l'Empire d'Occident. L'unité de l'Église apparaît dans les conseils œcuméniques. L'Église s'est servie de l'universalité de l'Empire pour la propagation de sa foi, de ses cadres pour son organisation. Mais tandis que la société civile est immobilisée, dans l'Église nous trouvons l'élection, la délibération, la liberté, la vie. Bref, tout ce qui manque à l'Empire. Aussi survivra-t-elle. Dans l'invasion, l'évêque seul persistera dans la cité évacuée par les fonctionnaires. Les barbares auront affaire à lui. C'est l'Église qui gardera la langue de Rome, ou du moins ce qu'elle a pu en garder. La civilisation romaine, ou du moins ce qu'elle a voulu en maintenir. Elle conservera l'idée de l'universalité, de l'œcuménicité, de ce qui fut l'unité romaine et la paix romaine. Seule puissance debout, qui ne s'entendra pas avec elle, périra. Fin de la section 4.